Massaro a retrouvé na coiffeur ya chef de l'État na nzela ya bandundu na moninga na bango ya misatu likambo yo ezali likambo oyo interessenga ya coiffeur na lingi na rappeler bino Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a dit ba tutu nazalaki na bango awa ba Bugera, ba James Kabarebe, ba Ruberwa, ba Nyarugabo, amitu naki alobi, moi je savais qu'ils étaient congolais, tango nga na lobi armée rwandaise ezonga, nakamwaki bango pe ba kendeki. C'est le jour où il a su que donc j'étais infiltré. Awape Massaro Akimi coiffeur oyo chef de l'État ayaki na ye oya bengisaki plutôt depuis akataka Yesu ki na kisangani akamwaki ye pe Akimi. Ça nous a interpellé tous. Lui-même le chef de l'État le premier. Si qu'on a lingina kende na binu, boko kako comprendre ce qui ba émission na biso ba pesa kaye de temps en temps. Naza awa na 12 points ngala kolobela. Bo pesa nga matoyi boyoka nini naza koloba. Na bengi émission lelo à cœur ouvert. Pour bo comprendre. À son temps, point à l'iboso na lobaka mon konjamboka pardon, loko comme chef de l'État, gardez na nos numéro na yo, pour à travers numéro wana, okoki kozwa sango, oyeko ko kebisa yo, oyeko fungola yo quelque part, pour koka ko konza malamo. Ça, j'avais dit, ce que vous parcourir ba mission na ngai moko, bokoya kokuta na lobaki, il est nécessaire ya kozala na numéro ya chaque jour oyo zalaka na yango, même la boîte aux lettres oyo koki kolekana nzela mususu te ezala ya yo na yebi bakoki kotinda lettre moko enfermé et piégé, balobita ngoko tanga et ko sala eboye. Tout ça je sais. Mais néanmoins, il n'y a que ça là. Mutu moko ya confiance makasi. Oyo bosali na alliance te. Confiance ya côté mususu. Akoki ko yamba ba lettre. Ezalaka na ba méthode de belé oyo peut-être ba lettre et koti. Il suffit chaleur moko ebetana mu pépé. Et qu'on décolle en gognon so, kolo yo, et kangisa ki lettre fungwami, lettre etikali polele, et en ce moment-là, moutou aza kousa l'opération, aza couvert, na masque, et puis ba antidote, eza la kanango, oyo moutou ako kome la avant, tango ba fungoli, ba kanisi ki ako aspire mou pepe ya poisonana, mais ki yi dans le vide. Mais ça, c'est une mesure de prudence, c'est sûr. Mais na ba lettre ba kokokoma oyebi pe vérité moko pourquoi parce que zana makambu oyo ba kokiko yebisa jamais conseiller na yo parce que ekokiko concerner yo moko ou bien kokoko concerner kaka conseiller wana alors so ba besiye ya kokomisa te. C'était ça l'objectif. Et après, premier point, garder numéro, garder contact et koki kobi ki ça. Deuxième point, na lobaka, papa mokonza ekolo, pour bien gérer ce pays, il faut toujours un gouvernement parallèle. Oyo ba yebite na batunyon so. Ba koki komona ke ministre yeyo, mais aux alakana ministre moussous yassé, pas pour tous les postes, hein, ils ont un poste clé, ministériel, où il faut un gouvernement parallèle. Aux alana aner na yo moussous parallèle. Aux alana makambu toujours parallèle. Parce que, ceux qui confient, c'est tikali kakana, nzela monko, et si ka loukoute yaka, moyen aux gérer en gwe, aux ala passe. Ainsi, moi, je faisais quoi? Na koki koti na moutou. A loukelinga pri a caméra. A elinga proformant. A stambori na bisikanyo so bateka ka caméra wana a elinga ba proformant. Si manatindi financier, kende ko luka proformant, kende ko somba, ko yeba pri po somba caméra. Yen na sengye proformant te. A kei, aye lingai awa ba yele akingai $500 kamera ye aye lingai 1200 na juka ka 1200 na pesi ye akei na ju 500 koto na pesi tango ako zonga ba filaki ba monike akoti na mezo x kamera asombi abimi akei zela na mususu moko asombi kaka kamera wana zongi tango aye na biro akuti kamera kaka modeli wana na facture na mesa ya $500 ye aye na facture moko ya 1200 ndeti na ya gouvernement parallèle eza très important dans un pays comme le nôtre où il y a le tribalisme où il y a le népotisme où il y a la traîtrise où il y a la haine soki ozala bango te okoki ko kanisa mutu po azo sekisa yo mena kati ya lingaka yo jamais aye po azo mbongo ta rentre ta likide. Troisième point na lobaka plusieurs fois bo ba video ezali mokonzi mboka atako bo sinyaki ba papier na kamere na gangaka na finga makama kasi na inamaka lisusu pona lobaki c'est impossible et inadmissible d'avoir comme dirkab quelqu'un qui a des ambitions politiques à briguer un mandat en 2023 na ganga ki na bi na sali enquête na découvrir que na INC baza na slogan moko slogan wana ezali 2023 kamere président de la république et puis na ko découvrir que na UNC, basa ki ko joue carte na kamere, ya ko separe Grand Kasaï. Il faisait comment? Il prenait seulement le Kasaï occidental, nde zo place na Moussala, pour que ba oyo ba silika. Mais lokwana, esimba kite pourquoi? Ata ko a joa ki bango a tche na Moussala, ba to Kasaï oriental ba silika kite. Ba fanda ki na bango kimia. Et c'était une tactique, ya que bayi na yo kaka. Soki ba detourna ki mbongo abanda ku na Mbujimayi, c'est pour que Mbujimayi pe e na yo kaka. Soki ba detourna ki pona kananga, c'est pour que kaka bayi na yo. Et pourquoi? C'était normal. Alzo ko lokal 2023 comme chef de l'État, yo pensier passe en or. Il ne pouvait faire que ça. Tango to kriaki, ba tutu, le loto ebindenga ko tambola na ville ki sasate, pour to ebite que nani akoko betanga ilobi. To ebite façon bazo finga biso to kotambola ndengeni. E moko akomelanga ilobi ozana sonite ata ozo ganga yo monteke kamera za wana. Quatrième point. Nalingi na loba place oyo. Que ezaba défaut oyo tomonango na entourage. Ngai, il faut na loba makamu ndenge ezali. Na tango sur le qui chef de l'État. À part nyo sona monaka na loba ki ba campagne na salaki à ma manière. Moi, j'ai eu à parler avec Papa Gérard Moulumba près d'une heure, na Caritas. Je lui ai dit des choses. Et j'ai parlé, il a dit, na obengayo. Tant que tu es au Koutana, na mariage, y a Excellence Thierry, je me représente, Papa na solo kanayo. Abi, c'est qui encore, c'est qui encore? Or, j'avais dit des choses fortes, mais négligées. Ce qu'on a dit, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a, ce qu'il y a quoi faire. Je ne sais pas ce qu'il y a, ce qu'il y a. Et que ce qu'on a dit, c'est que oui, attends, il y a un document, il y a tout ce qu'il y a. Donc, négligence, il y a entourage, il y a mon conzi. Et ça, c'est que mon conzi, Arataki babilo kwe bele makasi. Wana sang tango tolongoli. Avant bo kende na Afrique du Sud. Nga yoyo na eba ki ba secret bele. Na eba ki ba sangwe bele. Je savais ce qui se trimé. Na bengaka Michel Moulumba. Aza wala. Na za koloba atalanga na misu. Michel. Na période wana ozakaka candidat président de la République élu par choisi par UDPS na cadre opposition nanu bo choisir te candidat commun tango na yoki ke bozoko kende ko solari kambwana na benga Michel Moulumba na benga na Lemba. Un jour, na yakiti na 10e rue. Bagado, bazali, banda bo tout na bango. Balobi ozate. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Michel na sengay plusieurs fois. Il est là. Jeune frère, na bengayo plusieurs fois. Tikanga na kutana na président Félix. Ozala ki nanu président de la République, te. Nalobi na zara makamo kwebisa kakaye. Baboye langay. Na longo na Michel Moulumba, na landi Eric Bilale. Asaki conseiller na yo en matière juridique. J'ai étudié avec Eric Bilale. Nous avons terminé ensemble. So belingi ko jo information pour que na IPC. Yepe a beti beti ngai boye titi. Tout le monde a refusé que na mona na yebiso makamo avant que na Afrique du Sud. Tango boke Afrique du Sud. Na étape que boko kokende de Genève, j'ai appelé Peter Kazadi. Maître Tomonan. Maître Tomonan. Na benga. Oh, je suis occupé. Oh, on va voir. Oh, na bien. J'ai des problèmes sérieux. Na yebisa yo, o yebisa mokonzi. Jusqu'à ce que ba beti yo kou na Genève. A komi na niveau ya koboya rozo appel na ngai. Ba beti kou, heureusement moi j'avais déjà commencé ma campagne et j'étais obligé maintenant de sortir de ba secret mususu à mes risques et périls pour que ba toi na ba échoué au lekataka parce que j'avais déjà vu par l'esprit et les ancêtres m'avaient dit ozoleka. Vous savez les émissions où j'avais expliqué de l'horloge et tout le reste. Sixième point, et c'est le qui, c'est là où j'avais parlé à Peter Kazadi. Septième, na salaka émission, na zoloba, démocratie oyo lingyo pesa ba Congolais lelo, et aussi mbate zambango. Parce que ba ko profiter na yango, je connais mon peuple, ça n'ira pas. J'ai même crié tala olobi girofare zalate bonaboye. Les gens ont commencé batikina nous batalio. Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous insistez? Bah moni que si ça c'est zate bazongeli bah comme qu'on sabote plus. Les militaires, les policiers, attends, bakuti bazo tambo lanzela très bien. Bakoya ko casser ligne wana, bakoya na sens contraire. C'est vous que bazo saboter. Nous on a crié. J'ai même parlé que mais c'est le chef de l'État, s'il vous plaît, n'ayez pas cet amour là. Ici dans les affaires de l'État, il n'y a pas l'amour. Il y a la loi, il y a l'ordre, la compétence. Point barre. Nga yonde na riska ki ba yininga ilero na église à Revin. J'ai dit, ne vous fiez pas. Parce que je suis eloko wana. Pas confondre angote na église. J'ai risqué. Ba yinanga y. Et vous allez même voir, ils s'étaient sensibilisés beaucoup pour dire, bolanda ka ete. Et qui dit ça, ba vu. Là où on le flatte. J'avais parlé moi ici. Parce que j'ai vécu na biloko makasi et na yebi. Que ça ne peut pas marcher. Il y avait moyen de comprendre. Tant que mon aki basango, basa kondi mambongo à France, na ba téléphone, pour tricher, il fallait comprendre toutes ces histoires là-bas. Tant que mon aki batoua réveille, qu'on tombe dans la FCC, il fallait qu'on comprenne biloko wana. Ngaïna lobaki. Huitième point. Na outi ko frôle ango na po, na outi ko loba, ya démocratie. Batoué bele ba yebi que chef de l'État azana bolingo mounene, c'est un chrétien. Bon d'abord, bakoumi saka denge wana. Et puis il y a zana makambo abao ba lekate hein okosa la ta makambo mabe okomoni ateite yo pourquoi ils avaient vu okangaka peser azo sala désordre tout ce que sala ki ezala ki conseil pas de punition et les gens se sont sensibilisés pour dire yé a punira kate yé komoni ateite yo ah tata boboto soko yoki na milieu tozana yango tata boboto. Yeba ke, ba yebi, ke ako sala e lo kote, ako punir moutoute, toko ko sala ndenge tolingi. Yeba ke milyon bako sala mabe makasi. Le noir, même quand on le tape aux États-Unis, na ba France nanine, ce n'est pas parce que ba yinye kaka. Aza moutou, oyu azanga conscience. Nous, le noir. Azwa kabilo ko nyon sa la légère. Si on peut essayer trop de démocratie, tout le reste, il va faire des bêtises. Neuvième point. T'as là un entourage, il y a chef de l'État Bandeko. Batoubakou fume moko. Et puis, bah, pèse sango na opinion publique qui a COVID-19. Mais bon, comprendre si quoi yo événement y a quoi faire yo à qui makana Massaro. Bon lié likambo Massaro neve à Kamere. Na quoi faire yo Kamere mutoya ki nae. Vous savez que le coiffeur a déjà fait combien de choses parce qu'à qui makinini. Pourquoi motema ya monene. Oza, le président la Kisaki Bolingo, trop, il était sûr que Ndenge Tolinga la Kan Église est un Ndenge Mokona politique. Tant que vous sambisez ça, vous allez regretter. Vous allez comprendre que nous, on avait raison tout ce temps. Nous, on disait, vous avez logé une vipère. Malgré Koganga, vous êtes hérité avec le président Kamer. Délit et ne sait plus tôt. Alors, Batouminine Bakei, Bamundela, Gilbert, Jacques Ilunga, Maître Mukendi, Madame Kitoko. Des gens sont partis comme ça. Parfois, tout le monde a oublié la phrase Moulou Bako Zabokonzite. On a oublié. La phrase n'est pas sortie par hasard. Elle est sortie pour vous dire que ça l'est la Kayango. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec quelqu'un qui a cette position? Très important. Dixième point. Dans la caméra, Naboloko. Mais chef de l'État, Nalandi vieux kasongo mwe mayamba yamba, aza vieux nanga ya Lubumbashi. Toza bana biso tozo landa bango, le professeur. On nomme un intérimaire. Cela veut dire, oya salaka intérim, mukolo titulaire akoya ya kotika. Où vous voulez dire que Kamere ya kolongo na prison, zongi na place wa? Est-ce que maintenant tango moni masaro na coiffeur? Nini bokoki koze la kozara na titulaire? Qu'est-ce qui se passe dans l'entourage à mon cause? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on a dit, place wana, et Zakaya Moutounio sauté. Non, c'est pas ça. Malgré Biloko Yonion se salim, malgré Makambo Yonion se zali, on garde encore les mêmes conseillers sont là. Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? C'est quelle stratégie ça? Les gens qui sont morts ici, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'il faut ajouter d'autres? Vous ne voyez pas que le risque est grand? Quoi faire autant avec le Simba Moutou, le chef de l'État? D'ailleurs, il y a un chef de l'État qui peut s'accompagner dans l'église. N'ayez confiance en rien. Les gens qui peuvent vous donner la main, ce n'est pas Jésus lui-même. Azamutuamukili. N'oubliez pas que dans notre république, il y a les Rwandais ici. Yeba monde opératoire na bango. N'oubliez pas que les ennemis sont nombreux. Na salaka vidéo moko na lobby, Félix Tshisekedi seul contre tous. Est-ce que boyoke la kingai? C'est quoi moi nous y a Simba Moutou, y'a chef de l'État, ao Simba Simba na voyage, ao Simba Simba na Dakouane, ao Simba Simba. Santé Zandegene. Rappelez-vous que Batou Alamouka Basai Koloba, Ndengazawa Nazana Poiso, Basalaba émission na basse CCTV. Zo langage ouana, zo kokime kwa faire le lo, sangisabilo komi bali. Vous, l'entourage, le vrai, c'est vous qui avez la honte de dire, soto tchibo bakolo baboye, soto sali bakolo baboye. Mais bah, oba leka ki basala ki moutoua ganga ki azate. Faites-le! C'est ça le problème. Onzième point. Aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin d'amener le coiffeur na procès? Ce qui a tangi kamer, lokola kimaki na masaro. Vous voulez prendre combien de temps avant d'amener cette affaire na maboko? Toujours il y a l'état basambisa eloko wana. Parce que c'est sérieux. Si vous traitez un homme, vous ne savez pas, ça sera pire. C'est lui qui est de Kisangani, c'est fait voir. C'est-à-dire que la mère n'a pas tourné, elle a dit qu'elle était là. Regardez le niveau où il y a un filtre qui est pour ça, la mamie. Douzième point. Dites-vous les conseillers spéciaux. réfléchissez bien. Les accords se font et se défont. Et Zali Lissoumou, jamais. Dès que indice moko zomo nana yamabe, ne prenez pas du temps pour agir. Le problème, c'est ça. Imaginez que Motoyo a tiaka poison dans zoto chef de l'État. A quoi y a l'élo? Est-ce que vous avez déjà imaginé le dégât dans ce pays? Ce qui conseille n'a plus non existé les nini. Est-ce que le président Zanga qui monte à taille famille a tinda na qui s'engage du kelanga monte boye. Est-ce qu'il fallait que tout passe par caméra? Quelle est cette confiance que le chef de l'État a donnée à ce type? Tant que ça n'a pas toi n'a-t-il l'élo? Quelle est cette confiance? Quelle est cette stratégie que vous donnez au chef de l'État? Je me demande. Pour que vous compreniez. Ah, chef de l'État, tambolier mon corps, la saute des moutons. On m'a dit que c'est qu'on est bang. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas intimider aux autres qui ont un mouton, dont le passé n'était pas élogieux? Est-ce que c'est vous qui allez changer caméra? Qu'est-ce qui se passe? Les mêmes types, on avait crié que, attention, si Babandi ko corrompre Batoyi de Pes, qui nous a cru? Qui? Nous avons toujours dit ici, tous les cadres de l'île de Pes, quand vous appelez, ils sont toujours occupés. Ils n'ont toujours pas le temps. Si vous regardez, nous avons maintenant, nous ici, peur de dire à ces cadres, même par une petite occasion, que, attention, nous disons, non, comme ils connaissent tout, on laisse marcher de cette façon. Action. Bonsoir, Bandeko. Comme on a dit, Amis, Naza Awa na Kisangani, nga inde na kataki, président Yamboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, na Victor Kame Souki, place. Batika ki ngai awa na Kisangani nande naza vivant ngai amisi place batika ki ngai nande naza sikoyo naza na 15h naza na 15h56 minutes lelo eza le 16 mai 2020 na pesi lisusu bino mbote naza vivant awa na Kisangani. Amen. Thank you.